بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد donc on continue avec la parole du Cheikh وقوله تعالى toujours dans le premier chapitre donc كتاب التوحيد donc ce chapitre qui a pour but والله أعلم La volonté du Shir, ça a été d'exposer dans ce chapitre-là l'importance du Tawhid, son statut, et de montrer que le Tawhid, c'est l'ordre et la chose la plus importante dans cette religion. Donc, le Shir dit waqawli, ou waqawluhu ta'ala, qul ta'alaw, atlu ma harram rabbukum alaykum, alla tushriku bihi shay'a. Dit au Muhammad, venez, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son messager de dire aux mushrikin, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ou ce qu'il vous a interdit, et ce qu'il vous a enjoint de délaisser de shirk. كل محشي رحمه الله دي أي يقول يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أي قص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرسا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده دونك دي أو محمد à ses associateurs, donc qui ont pris et qui ont adoré d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On rappelle que ça, c'est le sens du shirk. Le shirk, on rappelle que c'est un mot qui a un sens dans la langue arabe et qui a un sens bien précis dans la législation. Et ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a exposé clairement dans le Coran. On avait cité le verset de Surat al-Baqarah, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc le shirk, c'est quoi? جَعَلْ الْأَنْدَادَ لِلَّهِ. Mettre des associés, des égaux à Allah. Dans une chose qui est, où Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique. Donc dans sa seigneurie, selon ses attributs et dans son droit à l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi montré et exposer donc le sens du shirk de manière claire dans sa sunna. On avait dit lorsqu'il a été interrogé, comme ça vient dans Sahih al-Bukhari, Allahu alam, Sahih Muslim aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an à propos du plus grand des péchés par lequel Allah subhanahu wa ta'ala est désobéi, et il a répondu le shirk, mais il a répondu en donnant sa signification. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Que tu donnes à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Donc ça, c'est là ce qu'on appelle al-ma'ana al-shar'i ou la haqiqatu shar'iyya. C'est-à-dire, c'est le sens du shirk dans la législation. Et donc, personne, comme on avait dit, concernant ces mots-là, comme le shirk, comme l'islam, ou l'iman, ou le kufr, ou le bid'a, ou le fusuq, ou d'autres mots dans la législation, personne ne peut venir après qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a expliqué le sens de ces mots-là dans le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Personne ne peut venir après et donner une autre signification à ces mots-là que ce qu'on trouve dans le Coran et dans la sunna. Donc là, il y a Muhammad dit à ces mushrikines, à ces associateurs qui ont adoré d'autres divinités avec Allah, ta'alaw, c'est-à-dire venez, approchez, je vais vous réciter où je veux vous informer ce que votre Seigneur vous a interdit. Véridiquement, pas de manière mensongère, et non pas simplement par la pensée ou par goût, mais c'est une révélation de la part de votre Seigneur, et il vous l'a ordonné. Alla tushriku bihi shay'an, de rien de ne rien lui associer. C'était dit qu'anna fil kalami mahzoufan taqdiruhu wassakum alla tushriku bi shay'an. C'est comme si dans la parole il y a quelque chose qu'on a retiré, mahzouf, quelque chose qu'on a retiré. Et cette chose qu'on a retirée, on la détermine en fait avec la fin des versets. Chaque fois Allah il dit ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتذكرون وعلكم تتقون. Donc ذلكم وصاكم به. C'est pour ça que on détermine en s'appuyant sur la fin du verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a cité pour déterminer cette chose-là qui manque. Donc le sens c'est وصاكم ألا تشركوا بشيء, c'est-à-dire il vous a ordonné de ne rien lui associer. دي فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. Et donc le sens du verset, c'est il vous a venez à moi que je vous informe ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné, vous a interdit, pardon, et vous a recommandé de délaisser de shirk. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit ce qu'il nous a ordonné de délaisser. C'est ça le sens. De shirk, du shirk. C'est une parole de Ibn Hisham al-Ansari, rahimahullah, dans son livre Mourni al-Labib, où il a expliqué le sens ou le taqdir du verset. Je vois هذا إذا سئل الصحابة رضي الله عنهم عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Et c'est pour ça que lorsqu'on questionnait les compagnons sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur disait, comme ça a été le cas pour Abu Sufyan radiallahu an, lorsqu'il était encore mushrik et qu'il a rencontré Hirakl, le chef des Romains à l'époque. Il l'a rencontré Allahu alam au Shem, alors qu'il faisait du commerce. C'est à l'époque où les Byzantins ils sont arrivés au Shem. Et il l'a rencontré, donc il lui a posé la question. Il a posé la question à Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il vous ordonne? Donc, c'est les fameuses questions qu'on trouve dans le hadith d'Ibn Abbas rapporté dans le Bukhari. Et Abu Sufyan, il a répondu, il a dit, U'budullah wa la tushriku bi shay'an, donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de rien lui associer et de délaisser ce que disaient vos ancêtres. Et encore d'autres choses. Mais c'est la première chose qu'Abu Sufyan il a citée. Et c'est ce qu'ils ont compris de la ilaha illallah. Ça montre que les mouchriquins de Quraysh, ils avaient bien compris le sens de cette shahada. Et que c'est pour ça qu'ils ont refusé de la prononcer. Parce que pour eux, la prononcer, c'était quitter leur dîn. Le dîn d'Abdel Muttalib, l'adoration des idoles. Et de rentrer en islam, de se désavouer de ce dîn, de se désavouer de leurs ancêtres. Et de rentrer en islam, d'attester que l'adoration, ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration, et de se désavouer de tous les tawarit qu'il y avait à côté, de tout ce qu'il y avait adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara subhanahu fi hadhihi al-ayati jumalan min al-muharramat wa ibtada'aha bin-nahy 'an ash-shirk wan-nahy 'anhu yastad'i at-tawhid bil-iqtida'. فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات وهذا وجه مطابقتها للترجمة. Et donc dans ce verset-là, comme dans les deux versets précédents, ce verset il est dans sourate Al-An'am. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il a cité une série de muharramat, deux choses qui sont interdites. Et il a commencé à citer quoi? L'interdiction du shirk. Et dans ce verset-là, on peut s'apercevoir par contre que contrairement aux autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas ordonné le tawhid. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est contenté dans ce verset d'interdire le shirk. Mais on sait que, comme il le dit ici, il dit وَالنَّهِي عَنِ الشِّرْكِ يَسْتَدْعِي التَّوْحِيدَ بِالِقْتِضَاءِ. C'est-à-dire que le fait d'interdire le shirk, ça implique, ça oblige qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne, il nous ordonne le tawhid dans l'adoration. Il nous ordonne de l'adorer lui seul. S'il interdit le shirk, ça implique qu'il nous ordonne de l'adorer lui seul, ça implique le tawhid. C'est pour ça que l'usuliyoun, ils disent, il y a une règle connue, où ils disent que al-amr bi shay yastalzimu an-nahy an diddihi ou an-nahy an shay yastalzim al-amr bi diddihi. Le fait d'ordonner quelque chose, ça implique le fait d'interdire son contraire. On l'avait expliqué la dernière fois, le fait d'ordonner quelque chose, ça implique, et je dis bien ça implique, c'est un lazim. On a vu les différentes indications des mots et des noms, bil mutabaqa, bil tadamun, bil iltizam. Il dit yestalzim. C'est ce qu'il veut dire ici, yestad'i tawhid bil iqtida. L'iqtida ou l'iltizam, c'est une indication assez proche, c'est un mot qui a à peu près le même sens. C'est que ici, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous interdise le shirk, ça implique, yestalzim, ça implique qu'il nous ordonne le tawhid. Al-amr bi shay, yestalzim an-nahy an diddihi, comme ils disent al-usuliyun. Et donc, ça nous indique, comme dans les versets précédents, que le tawhid, c'est la chose la plus importante et que c'est l'ordre le plus important. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le cite toujours en premier. Quand il cite des séries comme ça d'obligations ou d'interdictions, il va tout de suite, il va toujours citer le tawhid et il va toujours interdire en premier lieu le shirk avant toute autre chose qui est haram. Et ceci, c'est pourquoi le shirk, il a cité ces versets-là. C'est de cette manière qu'on comprend ce qu'on appelle wajh al-mutabaqa, c'est-à-dire c'est cet aspect-là du verset pour lequel le shir il a cité et qui correspond au titre qu'il a donné au chapitre. Encore une fois, si on dit que le shir il a voulu montrer que le tawhid c'est la chose la plus importante et que le shirk c'est la désobéissance à Allah la plus grande, la plus importante. Alors, et c'est pour ça qu'il cite ces versets-là, pour montrer qu'il les a cités à chaque fois en premier. C'est ça qu'on appelle wajh al-mutabaqa, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre les dalils qu'il cite, les hadiths, les versets, avec le titre qu'il met au chapitre. Donc, quand il dit, à chaque fois quand il dit tarajama, c'est le titre qu'il met au chapitre. Ensuite, on l'avait dit au début des cours, dans ce titre-là, il y a un hukm. Il y a un hukm. Dans le tarajim, il y a un hukm. Et les dalils qui citent après les versets et les hadiths sont des dalils qui nous indiquent ce statut-là, ce hukm-là qu'il y a dans le tarajama, dans le titre. Comme l'imam al-Bukhari, rahimahullah, et d'autres, ils ont fait dans leur livre. Ensuite, ils continuent avec d'autres. Donc là, ça rentre un peu dans ce qu'on appelle l'istidrad, c'est un peu hors sujet, c'est pas le sujet du livre, mais il continue à nous expliquer brièvement les obligations et les interdictions qu'il y a dans ce verset-là. Encore une fois, ici, le but, c'était de montrer que la première chose qu'Allah cite, c'est le tawhid et l'interdiction du shirk. Il continue à bil walidayn ihsana. Qala l'imam al-Qurtubi, al-ihsanu ila al-walidayn birruhuma. وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. L'imam al-Qurtubi dit que la bienfaisance envers les parents, qu'Allah Jalla wa Ala, il nous ordonne, nous recommande de l'adorer lui seul et la bienfaisance entre les parents. Donc encore dans ce verset, on voit qu'il joint les deux choses. Ce qu'on avait dit, ça montre l'importance de la bienfaisance envers les parents. Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup d'endroits du Coran, il a lié le tawhid et l'obéissance, la bienfaisance envers les parents. Ça montre la grandeur de cet ordre-là et l'importance de la bienfaisance envers les parents. Et il dit, c'est leur bienfaisance, le fait de s'occuper d'eux. de les protéger, d'obéir à ce qu'il nous ordonne, évidemment, tant que ça ne contredit pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de retirer ou de Allahu alam, le sens de ne pas en faire de nos serviteurs, en leur donnant des ordres, en inversant les rôles et en les faisant travailler, en leur donnant des tâches, c'est en inversant les rôles en gros. Izalatu anhuma wa tarak sultana alayhima. Et délaisser comment dire, le fait de se comporter avec eux comme si on était leur chef, comme si on était leur commandant ou quelque chose comme ça. Il faut se comporter avec eux de manière convenable, de manière tendre, douce, les protéger et rentrer là-dedans aussi, évidemment, s'ils sont sur le coffre, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous. De les appeler à l'islam, doucement. De les appeler doucement à l'islam, de leur faire la da'wa à l'islam, parce que ça, il n'y a aucun doute que c'est la plus grande miséricorde qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'appeler à l'islam, et que par cette da'wa-là, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide et qu'il rentre en islam. Et qu'il se sauve du feu. Ça, c'est la plus grande rahma et la plus grande bienfaisance qu'un enfant il peut faire envers ses parents, qui ne sont pas sur l'islam. Sinon, rentre là-dedans, encore une fois, on avait dit, Allah Jalla wa Ala, il n'a pas conditionné la bienfaisance. Il n'a pas dit wa ahsinu bil walidayni ihsana wa bikadha wa kadha bikadha. Il a comme ça atlaqa, l'itlaq. C'est-à-dire tout ce qui rentre dans le sens de l'ihsan, de la bienfaisance, ça rentre dans le sens du verset. C'est pour ça que l'imam al-Qurtubi a cité certaines choses. Être bienfaisant envers eux, les protéger. Quand il nous ordonne quelque chose qui est convenable, on va le faire. Et ne pas se comporter avec eux comme étant un tyran, leur ordonner des choses ou se mettre au-dessus d'eux, être comme si on était leur chef, leur commandant. Ihsanan nasb ala al-masdariya. Ay ihsanu bil-walidayni ihsanan. Ihsanan ici, c'est ce qu'on appelle maf'oul mutlaq. Et c'est comme si dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas cité, il y a quelque chose qui est mahdhouf, comme avant, quelque chose qui est enlevé. Et c'est comme si Allah, il avait dit, wa ahsinu bil walidayni ihsana. Et conduis-toi ou sois bienfaisant envers tes parents. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie ce qu'on appelle le masdar. Ihsanan, c'est le masdar du verbe ahsana. Ahsinu ihsanan. Ça, ce qu'on appelle, c'est pour ta'kid. On met le maf'oul, ce qu'on appelle le maf'oul, le mutlaq. Le maf'oul, le mutlaq, c'est-à-dire c'est le masdar du verbe qu'on a employé, on le met à la fin. Pour ta'kid, pour vraiment insister, pour montrer que c'est un ordre qui est qat'i, qui est tranchant. Voilà, taqtulu awladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Et ne tue pas tes enfants de peur de la pauvreté. Min imlaq. L'imlaq, c'est la pauvreté. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nous vous, ou nous, nous, nous vous attribuons votre risque, votre subsistance, et à eux aussi, et à vos enfants. Ay la ta'idu banatikum khashiyat al-aylati wal-faqri. فإني رازقكم وإياهم وإياكم وإني رازقهم وإياكم أي لا تخافوا من الفقر بسبب رزقهم فهو على الله وخص الأولاد لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم فالعناية بالنهي عنه آكد وكان قتل البنات شائعا فيهم وربما قتلوا بعد الذكور خشية الافتقار. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit aussi de tuer nos enfants de peur de la pauvreté. C'est quelque chose qui était répandu chez les Arabes, et même peut-être dans certains peuples encore aujourd'hui. Donc ils enterraient les filles vivantes, comme ça vient dans le Coran, de peur de la pauvreté. Il y a aussi des ulama qui disent de peur de l'ar. C'est quoi ça? C'est il y a certains parents qui avaient peur que leur fille fasse zina, que ça soit une honte et que ça bafoue leur honneur, l'honneur de la famille. Et donc, ils tuaient les filles pour cette raison-là aussi. Ils évoquent cette raison-là, les ulama. Ici, il dit, il y a très peu de différence. L'aïla, c'est le faqr, c'est à peu près le même sens. Donc, je suis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je suis, c'est moi qui pourvois à vos besoins et à leurs besoins. Donc, n'ayez pas peur de la pauvreté causée par le fait de les nourrir. C'est-à-dire, ils avaient peur qu'en les nourrissant, et on a des enfants, on va devoir les nourrir, ça va nous appauvrir, donc et on s'en débarrasse. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est lui qui pourvoit à nos besoins et à leurs besoins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a précisément parlé des enfants dans ce verset-là, parce que le fait de les tuer, ça regroupe deux péchés. Le fait de tuer une âme sans droit, قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ, mais aussi, comme il dit, قَطِيعَةَ الرَّحِمِ, le fait de rompre les liens de parenté. Ça regroupe deux péchés. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a apporté une précision là-dessus. Et donc le shir dit que comme on a dit, le fait que les Arabes tuaient leur fille, c'était quelque chose d'assez répandu. Et ils tuaient même, certains même des garçons, toujours pour le même sebeb, c'est-à-dire la peur de la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a interdit ceci. Et il continue, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ نَهَا عَامٌ نَهْيٌ عَامٌ عَنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْفَوَاحِشِ وَهِيَ الْمَعَاصِي وَالظَّهَرَ وَبَطَنَ حَالًا تَسْتَوْفِيَانِ أَقْسَامَ مَا جُعِلَتَ لَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ. Ici, le sens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit d'approcher les grands péchés, les péchés, qu'ils soient apparents ou qu'ils soient cachés ou qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Donc ici, al-fawahish, le ulama, il dit, c'est les péchés. Ils disent c'est-à-dire c'est des péchés qui sont repoussants, des choses qui sont repoussantes, comme zina ou liwat, les choses vraiment qui yastawhish minha l'insan. Ici, c'est-à-dire ce qui est, donc les ulama, ils ont expliqué. Ils ont donné deux sens. Les deux sens ne se contredisent pas les uns les autres. Donc, les deux sens, ils sont acceptés. On peut expliquer le verset par ça. Soit, c'est des péchés qui sont faits en secret, c'est-à-dire quand la personne elle est seule chez elle, par exemple, il va, je sais pas, boire de l'alcool. C'est quelque chose qui est fait de manière cachée, pas devant les gens. Donc, ça, c'est ma batan, ce qu'il fait en secret. Et où ce qu'il fait ma zahara minha, ce qu'il fait dehors, devant les gens. Ou alors, c'est des péchés. Ils expliquent aussi cela, c'est des péchés qui sont apparents, c'est-à-dire qu'il va faire avec la parole ou les actes, ou des péchés qui sont intérieurs. Donc les péchés qui se font avec le cœur, comme la rancune, comme la jalousie, comme la haine pour un musulman, des choses comme ça, des choses qui sont interdites et qui concernent al-batin, ce qui se passe dans le cœur, ou des mauvaises niyas, etc. Ça regroupe les deux sens. Il dit, voilà. تقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وهذا مما نص على النهي عن تأكيدا وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de tuer une âme innocente sans droit. C'est-à-dire de fait de tuer sans droit une âme qui ne mérite pas la mort. Il dit illa bil haqq. On sait que des fois, le qatl, le fait de condamner quelqu'un à mort, ça se fait bil haqq, ça se fait en tout droit des fois. Que ça soit al murtad, quelqu'un qui sort de l'islam, comme ça vient dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ahda thalath. Al-nafsu bin nafs, الثيب الزاني النفس بالنفس وترك لدينه المفارق للجماعة. Donc le sang d'un musulman n'est autorisé que par trois choses. Soit quelqu'un qui fait zina alors que c'est quelqu'un qui est marié, qui fait l'adultère. Soit quelqu'un qui tue justement une âme sans droit. Soit quelqu'un qui délaisse sa religion. Et rentre là-dedans même quelqu'un, par exemple, qui fait partie des gens du livre, qui paye le jizya, donc qui rentre dans ce qu'on appelle l'ahl dhimma, donc les gens qui ont un pacte de sécurité sous certaines conditions. On ne va pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il que ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit, et ça rentre en réalité dans le fawahish qu'il a cité avant. « Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan » Ça rentre là-dedans, puisque le qatl nafs, tuer quelqu'un comme ça sans droit, c'est un péché, ça rentre dans le fawahish. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité spécifiquement pour montrer l'importance et la gravité d'un tel péché, de ce péché-là. Donc il l'a cité spécifiquement. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ إِشَارَةً إِلَى هَذِي الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي أَوَّلُهَا النَّهِي عَنِ الشِّرْكِ والوصية الأمر المؤكد المقرر وسميت وصية الميت وصية لأنها يعهدها لمن بعده ليتمسك بها. Et ceci, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne. وصاكم. Et donc ceci, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique ce qu'il est, donc les péchés qu'il a cités précédemment, ce qu'on vient de lire. Et dont le premier de ces péchés est le shirk, donc l'interdiction du shirk. Et le wasiya, il revient sur le wasiya, il dit l'amr al-mu'akkad al-muqarrar. Le wasiya, c'est un ordre qui est appuyé et qui est thabit, yani qui est fixe. Donc c'est quelque chose qui est clair et sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il insiste. Il dit c'est pour ça que le testament du mort, on l'a appelé wasiya. Parce que c'est quelque chose qui lègue. Le mort, c'est quelque chose qui va léguer à son successeur, à son héritier, ou à celui qui touche le wasiya. Et c'est quelque chose à laquelle celui qui va recevoir cette wasiya, ce testament-là, c'est quelque chose à laquelle il doit s'accrocher. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait de même pour ces ordonnances-là, ces ordres et ces interdits qu'il nous a donnés. C'est pareil, c'est une wasiya. Il nous donne ce testament-là, il nous donne ces ordres-là, ces interdictions-là pour qu'on s'y accroche, c'est-à-dire pour qu'on les pratique, qu'on délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit et qu'on fasse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّ لِلْتَعْلِيلِ أَنَّ اللَّهَ وَصَّانَ بِهَذِي الْوَصَايَا وَأَمَرَنَا بِهَا وَكَدَ عَلَيْنَا فِيهَا لِنَعْقِلَهَا وَنَعْمَلَ بِهَا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Pour que, ici, dit la'alla litta'alil. Donc, ici, c'est Allah, il évoque une cause. Peut-être, par cette ordonnance-là, vous allez raisonner. C'est-à-dire qu'Allah, Jalla wa'ala, il nous a ordonné, il nous a recommandé ces ordonnances-là, ces prescriptions-là, et il nous a ordonné de les mettre en pratique, et il a insisté sur ces ordres-là, pour que on raisonne, qu'on les médite et qu'on les mette en pratique. Ça ici, une mas'ala qu'on avait vu dans le wasitiya, ça montre que, comme on l'avait vu, af'alullahi mu'allala, c'est-à-dire que les actes d'Allah jalla wa ala, ils ont une cause. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait quelque chose, il y a une raison. Il y a toujours ce qu'on appelle l'illa, une cause, une raison. Donc on dit af'alullahi mu'allala, contrairement au Jahmiya et d'autres qui ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala il fait certains actes comme ça sans raison. On avait vu ça dans le wasitiya. D'ailleurs, c'était la même chose pour le premier verset du chapitre où Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est l'illa. C'est la raison pour laquelle Allah jalla wa ala, il les a créés. Ça montre que af'alullahi mu'allala. Que les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont une cause. Ils ont toujours une cause. Alors, des fois, on la connaît, des fois, on ne la connaît pas, mais il y a toujours une cause. Contrairement à la parole de Jahmiya. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Et ne vous approchez pas des biens de l'orphelin, excepté d'une bonne manière. Excepté d'une bonne manière. Et ceci, c'est une interdiction générale de s'approcher et de se servir de l'argent d'un orphelin, excepté d'une bonne manière. Les ulama parmi les salafs, ils ont dit entre autres le commerce, c'est-à-dire de faire fructifier l'argent d'un orphelin qu'on a sous sa tutelle, le fait de faire fructifier son argent pour que son argent il s'accroît et qu'il puisse en profiter. Ça, c'est les ulama salaf, comme le Mujahid, Wallahu alam, il dit ça. Il dit ici ce qui est visé, entre autres, c'est tijara. Le fait de commercer avec l'argent de cet orphelin-là pour le faire fructifier. Comme il dit, وَسَعِي فِي نَمَائِهِ, c'est-à-dire faire en sorte de faire fructifier cet argent. حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّ, jusqu'à qu'il atteigne l'âge de la raison. Il dit, أَيْ الرُّشْد وَزَوَى السَّفَهْ مَعَ الْبُلُورِ, c'est-à-dire un âge où il atteint déjà la puberté, ça c'est une première chose. Et un âge aussi où il atteint l'âge où il est capable de gérer son argent d'une bonne manière, de manière raisonnable. C'est pas simplement le boulour. Quelqu'un, il peut atteindre la puberté, mais ne pas être capable de gérer son argent correctement. Ça suffit pas. Il faut qu'il atteigne la puberté et qu'il ait la capacité de gérer ses biens correctement. Et donc là, à ce moment-là, on lui rend son argent. On lui rend ses biens. Seulement à ce moment-là. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ أَمْرٌ بِإِقَامَةِ الْعَدْلِ فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَيْ مَنْ اجْتَهَدَ فِي أَدَاءِ الْحَقِّ وَأَخْذِهِ فَإِنْ أَخْطَأَ بَعْدَ اسْتِفْرَاغِ الْوُسْعِ وَبَذْلِهِ الْجُهْدَ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ. Et soyez juste concernant la pesée. Soyez juste concernant la pesée. Là, c'est un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit d'être juste dans les transactions. C'est-à-dire, si on pèse quelque chose, une marchandise, ou qu'on paye une marchandise, ou qu'on vend une marchandise, qu'on paye, il faut être juste dans les transactions. C'est le sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne charge pas une âme plus au-dessus de sa capacité. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait l'effort sincèrement de donner à l'autre, à son ayant droit, ce qui lui revient, alors s'il se trompe, il ne sera pas châtié, il n'est pas fautif. C'est-à-dire que des fois dans les transactions, il peut se passer qu'il y a un doute ou des imprécisions au niveau de la pesée de la marchandise ou du nombre d'articles sur un stock, sur un lot, etc. Si les deux parties font leur effort pour être juste et de donner à l'autre ce qui lui revient de droit, alors même s'il y a des erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il punit pas l'erreur, le fautif. S'il a fait les efforts pour être juste. Donc ça, c'est pour éviter l'arnaque, le riche. L'arnaque dans les ventes, l'arnaque dans la pesée, l'arnaque dans les... cacher les défauts des marchandises, etc. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne ça pour, et il interdit le riche, l'arnaque. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد فلا يميل إلى الحبيب والقريب ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الله سبحانه وتعالى يدي Et si vous parlez, alors faites-le en toute justice, même s'il s'agit de quelqu'un de proche. Donc là, c'est l'ordre d'être juste dans la parole et dans l'acte, que ça soit avec quelqu'un proche de nous ou quelqu'un qui soit éloigné dans le sens qu'il soit étranger. Et ne pas pencher vers celui qui est proche, soit par les liens de parenté, soit dans l'amitié, etc. Donc quand on parle, on doit toujours parler avec justice. Avec justesse et justice, en disant le haqq, même si ce haqq-là, même si cette vérité-là, elle va à l'encontre, elle va contre quelqu'un qui est proche de nous, quelqu'un qu'on aime. Si le haqq, il est avec l'étranger ou avec quelqu'un qu'on n'aime pas, ben, on doit dire le haqq quand même. On doit toujours dire la vérité. On doit pas. Ça rentre souvent dans l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Le fait que celui qui est proche de nous, qu'on aime, le copain, l'ami, le proche, on va être plus gentil avec lui concernant l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Alors que quelqu'un qui est loin, éloigné ou quoi, on va pas, ou qui est étranger, ou quelqu'un qu'on n'aime pas, on va pas hésiter à lui tomber dessus et à être dur avec lui dans ce domaine-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être juste dans la parole et dans les actes. Il cite le verset où Allah Jalla wa ala dit « وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » et que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Donc c'est ce qu'on vient de dire, inshallah. أَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا أَيْ بِوَصِيَّةِ اللَّهِ الَّتِي وَصَّاكُمْ بِهَا فَأَوْفُوا بِأَنْ تُطِيعُوهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ. Et là, c'est « et tenez l'engagement que vous avez fait envers Allah » ou « respectez l'engagement qu'Allah il a fait envers vous et que vous avez fait envers Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc là, c'est un ordre général sur l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala, il nous demande qu'on tienne notre engagement envers lui en lui obéissant, en faisant ce qu'Allah il nous a ordonné et en nous écartant de ce qui nous a interdit. Donc ça regroupe tout ce qu'il a cité avant. Donc c'est plus général. Tout ça rentre dans Ahadullah, dans l'engagement qu'Allah il a pris envers nous et qu'on a pris envers lui. C'est-à-dire de lui obéir et de s'écarter de ce qui nous a interdit, donc les muharramat qu'il vient de citer, et de pratiquer ce qu'il nous a ordonné. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. نعم. Il dit, et ceci, c'est ce qu'Allah vous ordonne, peut-être allez-vous vous rappeler. Et donc vous allez vous exhorter vous-même et vous allez arrêter, vous allez stopper les péchés dans lesquels vous êtes. Et les interdictions, vous commettez, les péchés que vous commettez, vous allez vous stopper en raisonnant et en vous exhortant et en exhortant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas en exhortant, en s'exhortant et en réfléchissant et en prenant en considération les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va faire qu'on s'exhorte nous-mêmes et qu'on délaisse les péchés dans lesquels dans les péchés qu'on commet et dans lesquels on est. Il dit « Anna hadha sirati mustaqiman ay alladhi awsiikum bihi fi hatayni al-ayatayni al-mujtamilatayni ala tarki al-manhiyati wa a'zamuha ash-shirk wa fi'l al-wajibat wa a'zamuha at-tawhid siratan mustaqiman wadihan sahlan wasi'an. » وأن هذا صراطي مستقيما صراطي Mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceci est mon sentier en tout droit, en toute rectitude. C'est-à-dire que ce que je vous recommande dans ces deux versets qui contiennent le délaissement des interdits, dont le plus grand est le shirk, et dans l'accomplissement des obligations, dont la plus importante est le tawhid, ceci est mon sentier. Ça, c'est le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sirat. Sirat al-mustaqim. C'est ça, sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim. Mustaqim, le sens de mustaqim, c'est wadihan. Sahlan. Wasi'an. Que sirat al-mustaqim, c'est un sentier clair, facile à emprunter et large. Fat tabi'u, suivez-le. Il dit, وهذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم وأن في موضع النصب أي أتلو وأن هذا صراطي أي طريقي ومسلكي وشريعتي مستقيما قيما. Donc suivez ce sentier. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc annexé cette recommandation-là, le fait de suivre son sentier aux prescriptions donc qu'on a lues précédemment, qui la précèdent. Il dit wa anna fi mawdi'i nasb, donc bon, c'est un point de grammaire. Wa anna hadha sirati, donc et ceci ay tariq wa maslaki wa shari'ati. Wa anna hadha sirati, et ceci est mon sentier, mon chemin et ma législation. Mustaqiman qayyiman, donc droite. Il est wassirat at-tariq alladhi huwa din l'islam wa huwa tariq Allah alladhi nasabahu li'ibadihi musilan ilay wa huwa shari'atu Allah la'wijaj fih wa la tariq ilay siwa wa qad jama'a thalathata umur as-suhula was-sa'a wal-qurb fa huwa aqrabu turuq ila Allah wa awsa'uha wa ashaluha. ولو اجتمع أهل الأرض وأضعاف أضعافهم لا وسعهم بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه وهو إفراده بالعبودية وإفراد الرسل بالطاعة فأمر باتباعه ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة منها النجا ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. Donc ici, il nous décrit Sirat, la voie d'Allah, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Sirat, c'est le chemin qui est en réalité, qui est la religion de l'islam. Sirat al-Mustaqim, les salafs, ils expliquent le sirat par plusieurs choses, par plusieurs expressions, dont le sens revient toujours à une seule chose. C'est-à-dire, ils disent l'islam, ou le Coran, ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça revient toujours à la même chose. La ilaha illallah, ça revient toujours au même sens. Donc ça rentre dans ce qu'on avait dit, ce qu'on appelle le khilaf et tanawwu'. Lorsque les salafs, ils citent, il cite soit une sorte de ce que ce mot-là indique, comme on avait donné l'exemple pour Tarut, ou il cite des choses qui, dont l'expression est différente, mais qui reviennent toujours à la même chose. C'est-à-dire que l'islam, c'est quoi? C'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est quoi? C'est suivre le Coran. Donc, qu'ils disent Coran ou islam ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sens, c'est la même chose. C'est toujours le même sens. Il dit, et c'est la voie d'Allah qu'Allah Jalla wa Ala, il a érigé pour ses serviteurs, et qui conduit à lui. C'est-à-dire que cette voie-là, elle conduit à lui. Il dit, et c'est la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne contient aucune qui est droite, qui ne contient aucun i'wijaj. Il n'y a pas de... Si on prend l'exemple d'un sentier, si on prend toujours l'exemple d'une route, il n'y a pas de chicanes, de virages, d'endroits difficiles sur cette route-là à passer, comme on peut imaginer sur une route de montagne qui est très, comment on dit, qui est très, où il y a beaucoup de zigzags, beaucoup de tournants très serrés, etc. Il n'y a pas ça. Tortueuse, voilà, cherche un mot, qui est très tortueuse. C'est un chemin bien droit. Et il n'y a aucune route qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de cette route-là. Et Allah subhanahu il a décrit ce chemin-là par trois choses. As-suhula. Donc ça rentre dans le sens de mustaqim. As-suhula. Le fait que ça soit un chemin facile à emprunter. Comme on l'a dit, c'est pas une route tortueuse, semée d'embûches. Was-sa'a, c'est-à-dire que c'est une route large. Wal-qurb, c'est-à-dire elle est courte, c'est la route la plus courte qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus large et c'est la plus facile à emprunter. Et si tous les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créés, il y a encore d'autres avec eux, emprunter cette route, ça leur suffit. La largeur de la route, elle suffirait. Tellement il est large. Et toutes les autres routes, elles sont bloquées. Elles n'arrivent pas à lui. Et cette route-là qu'il a tracée pour ses serviteurs et qu'il a érigée pour ses serviteurs, c'est ce avec quoi sont venus les messagers. Et c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, le sens de la ilaha illallah et le fait de n'obéir qu'à ses messagers, le sens de Muhammad Rasulullah. Donc ce chemin-là en réalité, c'est quoi? Comme Ibn al-Qayyim rahimahullah, il le dit. Il dit tajrid al-tawhid lillahi subhanahu wa ta'ala wa tajrid al-mutaba'a lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sens de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ça, sirat al-mustaqim, c'est ça. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de suivre ce chemin-là dont la fin est quoi? Et le paradis, al-jannah. Et sur cette route-là, on a des bifurcations qui partent à droite, à gauche. Et celui qui suit le sentier droit, donc El-Jeddah, il arrive à bon port, donc comme on l'a dit, dont la fin, c'est le paradis. Et celui qui prend ces bifurcations-là, qui partent à droite et à gauche, toutes ces bifurcations, on a, comme ça vient dans le hadith, on a un shaitan qui appelle les gens à suivre ces routes-là, qui sortent du sentier de Sirat al-Mustaqim, et tous ces chemins, ils mènent au feu. Allah dit, wala tattabi'u subul al-bid'a wa shubuhat. C'est-à-dire, ne suivez pas al-subul, c'est-à-dire ces chemins qui bifurquent, qui s'écartent du chemin droit de Sirat al-Mustaqim. Et les ulama salaf, ils ont expliqué ça par le bid'a wa shubuhat, les innovations et les ambiguïtés. Évidemment, ça concerne quoi? Tout ce qui est shirk, kufr, ça rentre là-dedans, ça rentre dans les innovations et tout ce qui est ambigu. Fatafarraqa bikum an sabili, ay tamil wa tashattat bikum hadhihi at-turuq al-mukhtalifa al-mudilla an dinihi wa tariqihi alladhi irtadahu li'ibadihi. وهذه الآيات قيل إنها المحكمة المذكورة في قوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب فتفرق بكم عن سبيله. Donc ces chemins-là, celui qui les suit, ça va l'écarter de son sentier à lui, qui est Sirat al-Mustaqim, qui mène au paradis. Et donc ce sont des sentiers qui égarent du droit chemin et qui égare de la voie d'Allah, qu'Allah Jalla wa Ala il a agréé pour ses serviteurs. Et il y en a qui disent que ces versets-là, c'est ce qui est voulu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah dit dans surat Al-Imran, quand il dit Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba, minhu ayatun muhkamatun hunna أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء التأويل وابتغاء التأويل الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans ce verset-là qu'il y a deux sortes de versets. Les versets qui sont muhkam. Les ulama disent, le muhkam, c'est quoi? C'est le nusus. C'est-à-dire, c'est des versets qui ne portent à aucun, qui ne sont pas équivoques. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre que d'une seule manière. C'est le sens qui est apparent. C'est un sens clair qui ne peut pas avoir un autre sens. C'est pas quelque chose qui peut être interprété d'une autre manière que le sens apparent. Et quand on avait étudié le Wasitia, on avait dit que Ayat ou Sifat, ça rentre là-dedans. Ça rentre dans le Muhkamat. C'est-à-dire que tous les versets où Allah Jalla wa Ala, il se décrit lui-même, où il cite ses noms et ses attributs, ça rentre dans le Muhkamat, pas dans le Mutashabih, comme certains disent. Il y en a qui disent que ces versets-là, donc les versets qu'on a lus de Sourate Al-An'am, ça rentre dans ces versets-là, les Muhkamat. Donc ça c'est clair, mais il n'y a pas que ces versets-là. Les versets précédents qu'on a cités dans Sourate An-Nisa, wa abudullah, wa la tushriku bi shay'an, ou dans les versets de Sourate Al-Isra, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, tous ces versets-là, les versets qui sont muhkem, l'ordonnance du tawhid, l'interdiction du shirk, l'interdiction de zina, de riba, de shurb al-khamr, de qatl al-nafs bighayri haqq, l'ordonnance de la bienfaisance envers les parents, tout ce qu'on trouve dans les versets de Sourate An-Nisa. Le bon voisinage, tout ça, ça rentre dans les versets qui sont muhkem. Et c'est la base du livre. Donc ici, on va ramener un hadith qui nous donne une image de Sirat al-Mustaqim. Warawal Imam Ahmed. وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال وهذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc l'imam Ahmed rahimahullah, il rapporte et d'autres le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé un trait avec sa main. Il a dit ceci est le sentier d'Allah en toute rectitude. Donc là il a dessiné un sentier, un trait bien droit. Ça c'est Sirat al-Mustaqim dont on a parlé. Et ensuite, il a dessiné des traits qui partent sur la droite et la gauche de ce trait qu'il a tracé en premier. Il a dit, et ceux-ci sont des sentiers, des chemins. Sur chacun d'entre eux, il y a un shaitan qui y appelle. Donc, comme on l'a dit avant, ces chemins-là, c'est les chemins de la bid'a, des shubuhat, qui mènent au feu. Et sur ça, chacun de ces chantiers-là, on a un shaitan qui appelle les gens à emprunter ce chantier-là pour arriver où? Pour arriver au feu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne à ses serviteurs de suivre Sirat al-Mustaqim. Qui en rappelle le sens de Sirat al-Mustaqim, où le fait de le suivre, c'est quoi? C'est réaliser le sens de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. L'adoration d'Allah jalla wa ala seul en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est Sirat al-Mustaqim. Et donc, tous les chemins qui vont dévier de ce chemin-là, on comprend clairement que c'est des chemins qui vont contredire ce que représente ce Sirat al-Mustaqim. Donc, ça va contredire quoi? Le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tout ce qui est les shirkiyat, et qui va contredire le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc tout ce qui est la bid'a, tout ce qui rentre dans la bid'a. Donc ça, c'est ces chemins-là, ils représentent ça et ils mènent au feu. Et ensuite, il a récité donc ces versets-là. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, ceci est mon sentier en toute rectitude. فَاتَّبِعُوا, suivez-le. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de son sentier. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, ceci est ce qu'il vous ordonne, ce qu'il vous recommande. Peut-être craindrez-vous. Il dit, وَذَكَرَ أَوَّلًا تَعْقِلُونَ ثُمَّ تَذَكَّرُونَ ثم تتقون لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا وكأن المصنف قال. نعم. Et donc on voit que dans un premier temps, Allah Jalla wa'ala, donc il nous donne des ordres et des interdits. Ensuite, il nous dit la'allakum ta'qilun. Peut-être que vous allez raisonner. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ou afin que vous raisonniez. Ensuite, Allah lui dit afin que peut-être vous réfléchissiez ou que vous vous exhortiez. Vous exhortez. Et enfin, il finit par dire et peut-être ou afin que vous le craigniez, que vous craigniez Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit parce que celui qui raisonne, il va s'exhorter, il va se rappeler, il va réaliser ce sur quoi il est. Et là, il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Tattaqoun. Rappelle que at-taqwa, c'est se protéger du châtiment d'Allah jalla wa ala. Comment? En accomplissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. Et en s'écartant de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. C'est ça at-taqwa. Taqwa ça vient de l'wiqaya. L'wiqaya c'est le fait de chercher la protection d'Allah. Comment on se protège d'Allah, du châtiment d'Allah? Par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa ka'anna al-musannifa قال كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين كما في الآية الأولى والذي هو الحكمة في إرسال الرسل كما في الآية الثانية والذي هو أوجب الواجبات كما في الآية الثالثة والرابعة والخامسة والذي ضده هو الشرك أعظم المحرمات كما في الآية الخامسة والذي هو حق ربي على العباد الذي افترضه عليهم ولن يقبل منهم سواه كما سيأتي في حديث معاذ بن جبل ورضي الله عنه والذي حقيقته وتفسيره عبادته وحده لا شريك له كما في الآية الرابعة وحديث معاذ وحديث معاذ. Le Cheikh Ibn Qasim rahimahullah, il nous expose, il nous montre comment le Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il a construit ce chapitre-là. Quand on regarde l'ordre des versets que le Cheikh il a mis dans ce chapitre-là, il dit c'est comme si le Cheikh il avait dit le livre du Tawhid. Le Tawhid qui est la raison, qui est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les djinns et les hommes. Et les hommes, al-thaqalay. Comme c'est indiqué donc dans le premier verset. Ma khalaqtul djinna wal insa illa liya'budun. Et ce tawhid qui est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les messagers comme c'est indiqué dans le deuxième verset. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ya'budu Allah wa shanibu at-taghut. Et qui est la plus grande des obligations. Comme on l'a vu dans le verset numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Le verset de Surat al-Isra, puis le verset de Surat al-Nisa et le verset de Surat al-An'am. Il dit « Wallazi didduhu huwa shirk » dont l'inverse, donc l'inverse ou ce qui contredit le tawhid est le shirk. Comme on le trouve dans le verset numéro 5. Où Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Il dit et qui est donc le tawhid, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs et donc il leur a ordonné ce tawhid là qui est son droit sur eux et ce tawhid dont il n'accepte aucune autre religion que ce tawhid là. Il dit comme c'est indiqué dans le hadith de Mu'adh. Donc le hadith de Mu'adh, il nous indique quoi? Il nous indique que le tawhid, la réalisation de la ilaha illallah, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Il dit wallazi et dont la réalité ou dont le sens et l'explication est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui donner aucun associé, comme ceci est indiqué dans le quatrième verset, où Allah dit Wa'budu Allaha wa la tushriku bi shay'an, et dans le hadith de Mu'adh. Donc dans ce paragraphe-là, le shir, il décrit ou il explique comment et pourquoi le shir il a mis ces versets-là dans cet ordre-là. C'est comme s'il avait dit ça. Donc pour répéter, parce que c'est important, le décryptage, un peu, c'est le mot que je cherchais. Il a décrypté ce que le shir il a voulu dire dans ce chapitre-là, le premier chapitre qu'il a appelé Kitab Tawhid. C'est comme s'il disait Kitab Tawhid. Le Tawhid, donc, qui est la raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala, il a créé Thaqalay, c'est-à-dire les djinns ou les ins, comme on le trouve dans le premier verset. Et qui est la raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala, il a envoyé les messagers. C'est-à-dire qu'Allah, il a envoyé les messagers pour appeler à ce tawhid, comme dans le deuxième, c'est indiqué dans le deuxième verset. Ce tawhid qui est la plus grande obligation et dont l'inverse, ou ce qui le contredit est le shirk et qui est la plus grande désobéissance, le plus grand interdit, comme c'est indiqué dans le verset 3, 4 et 5. Et ce tawhid qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, comme c'est indiqué dans le hadith de Mu'adh. Et ce tawhid dont le sens et l'explication est l'adoration d'Allah jalla wa ala seul et le désaveu du shirk. Le désaveu du shirk. Comme c'est indiqué dans le verset 4, Wa'budullaha wa la tushriku bi shay'a, et dans le hadith de Mu'adh. Mais on pourrait même rajouter aussi dans le deuxième verset. Wallah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Encore une fois, ça c'est très important aussi. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il cite la shahada, soit par ses mots, soit par son sens. Et en général, on va trouver qu'il cite la shahada surtout par son sens. C'est-à-dire que dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite la shahada par ses mots. Comme Allah il dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Là, il cite la ilaha illallah par ses mots. Si on prend, on a le deuxième verset du chapitre, c'est presque le même verset, sauf qu'il a exprimé Allah jalla wa ala, il a exprimé cette shahada par son sens. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc le sens de la ilaha illallah, c'est l'adoration d'Allah, ibadatullah, wajtinab al-taghut. Comme ça vient dans le verset de sourate Al-Baqarah, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Celui qui mécroit au taghut et qui a cru en Allah a saisi l'anse la plus solide. Et l'anse la plus solide, les salafs disent c'est quoi? La ilaha illallah, al-urwati al-wuthqa, c'est la ilaha illallah. Il y a deux versets où Allah dit wa idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'rin majnun. Allah subhanahu wa ta'ala cite d'abord la shahada par ces mots wa idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quelque chose qui montre le sens de la shahada, a inna la tariku alihatina li sha'rin majnun. Ça montre que la ilaha illallah, c'est quoi? C'est le délaissement de toute autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou le kufr biha. Le fait de s'en désavouer, d'y mécroire. Comme on le verra en détail, inshallah, dans le sixième chapitre, dans le chapitre de l'explication du sens de la ilaha illallah. Ensuite, le shir il poursuit en citant le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. فقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قولي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. Donc Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, il dit celui qui veut avoir connaissance donc du testament laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce sur quoi ce qu'il a laissé avant sa mort, qu'il lise ces versets-là donc qu'on a cités, qu'on a lu juste avant les versets de sourate Al-An'am. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم jusqu'à la parole d'Allah وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن الصحابي جليل من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة شهد بدرا وما بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب النعلي وحدث عنه كثيرا وأمره عمر رضي الله عنه على الكوفة ومات سنة 32 هجرية وأثره هذا رواه الإمام الترمذي في الجامع وغيره وحسنه. عبد الله بن مسعود سي لو فيس دو غافل fils de Habib al-Houdhali. Sa kunya c'était Abu Abdurrahman et c'est un grand compagnon, radiallahu anhu. Donc il fait partie des tout premiers qui sont rentrés en islam et il fait surtout partie des grands savants des compagnons. Il a participé donc à Badr et à toutes les batailles qu'il y a eu après Badr. Et il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait partie des compagnons, des jeunes qui s'occupaient de ses affaires, comme Anas ibn Malik et d'autres. Donc ça c'est le sabab, c'est la raison pour laquelle c'est des compagnons qui ont ramené beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce qu'ils étaient continuellement avec lui, ils s'occupaient donc de ses affaires. Et Omar, radiyallahu ta'ala an, il l'a nommé comme émir de l'Koufa, sous la khilafa de Omar. Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, il l'a nommé Abdullah, il l'a nommé comme émir de Al-Kufa en Irak. Et il est mort donc la 32e année de l'Hégire radiyallahu an. Et ça c'est un hadith qui est rapporté, ou un athar qui est rapporté par l'imam Tirmidhi. Et il a jugé que c'est un athar qui est bon, maqboul, il a accepté, hasan, athar hasan. فقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم. Donc celui qui veut prendre connaissance du testament qu'a laissé le prophète صلى الله عليه وسلم donc avant sa mort. Ici خاتمه وخاتمه comme il dit بفتح التاء وكسرها والخاتم حلقة ذات فص من غيرها وحقيقة الختم الاستيثاق. Donc ici il nous dit que التي عليها خاتمه ولا خاتمه, il dit الخاتم ولا الخاتم, il dit en fait c'est un anneau qui a une face. Bon, en général c'est une bague. Donc c'est un anneau, et sur cet anneau-là, il y a une face, c'est-à-dire une partie ronde et plate. Et en fait, il s'en servait pour sceller quelque chose, sceller une lettre ou un courrier, donc avec de la cire, on met de la cire et après on met l'empreinte de la bague dessus, si vous voyez de quoi je parle, pour sceller le courrier. C'est-à-dire une fois que c'est fermé, c'est terminé. On ne peut pas l'ouvrir sans voir que ça a été ouvert en fait. C'est scellé, c'est fermé. Ça il dit wa haqiqatul khatm al-istisaq. Donc c'est s'assurer que c'est scellé, que c'est fermé. فليقرأ قوله تعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلا قولي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. Donc, Ibn Mas'ud radiallahu an, il dit, celui qui veut prendre connaissance du testament qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lise ces versets, c'est-à-dire les versets de Surat al-An'am qu'on a lus. Ça, c'est le hadith. Al-Muhashi, donc, Sheikh Ibn Qasim, il dit, Ay man arada an yanzura illa al-wasiyyati allati ka'annaha kutibat wa khutima 'alayha falam tughayyar wa lam tubaddal. فليقرأ قول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث لأن كل آية منها ختمت بقوله ذلك وصاكم به. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي ولم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى. فصارت وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، ولذلك شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها، وإنما هذه الآيات كأنها وصية ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة بنا أن يوصي، فإن الله قد وصى بما في هذه الآية. Donc comme on l'a dit, celui, le sens, celui qui veut prendre connaissance du testament ou des recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a laissé, et ces recommandations qui sont comme si elles avaient été écrites et scellées, c'est-à-dire afin qu'elles ne puissent être changées ou retirées. Donc ici, c'est en fait ici le fait qu'on dise ces prescriptions-là, ces ordres-là soient le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une image, c'est un peu comme une comparaison. Parce qu'on va voir après que le professeur Salam, il a rien écrit en fait. Il a rien écrit, il a rien laissé de précis comme testament. Mais c'est une image, c'est comme si c'était un testament. Et ce qu'il a laissé, c'est ce qu'on trouve dans ces versets-là de Surat Al-An'am. Et en fait, pourquoi Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a cité ces versets-là? Et il les a comparés comme un genre de testament, c'est que à la fin de chaque verset, comme on a dit, Allah dit Zalikum wassakum bih. Ceci, c'est ce que je vous ordonne, ce que je vous recommande. Donc, c'est comme un wasiya, comme un testament qu'on lègue à quelqu'un et à qui on ordonne, à qui on demande de s'y accrocher, comme on l'a vu avant. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, s'il avait vraiment fait un testament, il aurait fait le testament où il aurait recommandé, il aurait ordonné ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a recommandé. Et donc, ce testament-là, en réalité, c'est un testament, comme il dit, bil ma'ana. C'est-à-dire, c'est pas un vrai testament hissi. Yani, quelque chose comme... vraiment un papier sur lequel il a été écrit, je vous lègue ça, c'est mon testament, je vous ordonne ceci et cela, je vous interdis ceci et cela. C'est pas quelque chose de concret, mais c'est un testament ma'anawi, yani c'est quelque chose qui a un sens, et ce sens-là, comment on le détermine? On le détermine par les versets qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu il a laissé, et par d'autres versets en réalité. C'est-à-dire, c'est tous les versets muhkem qu'on trouve dans le Coran. Comme il le dit après, comme on l'a dit aussi avant. Lorsqu'il a cité la parole, il a dit que certains disent que le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit ayatun muhkamat, ça concerne ces versets-là de Surat Al-An'am. Donc les versets muhkem dont Allah subhanahu wa ta'ala il parle dans Surat Al-Imran, ça concerne ces versets-là de Surat Al-An'am. Mais comme on a dit, ça concerne tous les versets qui sont muhkem. Donc les versets qu'il a cités précédemment dans Sourate Al-Nisa et dans Sourate Al-Isra et d'autres encore. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il les a comparés à un livre, comme si quelque chose qui avait été écrit sur un papier et qui a été scellé. Scellé, c'est-à-dire ça y est, c'est fermé, on ne peut pas changer, on ne peut rien enlever, on ne peut rien rajouter. Et ce qui est voulu, c'est pas encore une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment laissé quelque chose. Il dit ensuite, لأن فيها ما يكفي عن توصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال. Donc ce hadith ou la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, elle a une raison. Ce hadith, on dit, il a une qissa, il a une histoire. Il n'a pas dit cette parole comme ça. Et là, il va citer la raison pour laquelle Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit ça. Il dit, حيث قال اؤتوني. Donc, Prophète sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit, اؤتوني بكتاب اكتب لكم فيه شيئا لا تضل بعدي وذلك في اثناء مرضه صلى الله عليه وسلم فحيل بينهم وبين ان يكتب وكثر اللغط فقال اخرجوا عني فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين ان يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تدلوا كتاب الله. Donc l'histoire de ce hadith, c'est quoi? C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la maladie qui l'a mené à la mort, Ibn Hajar, rahimahullah, il dit dans le Fath, il dit que c'était 4 jours avant sa mort. Allahu alayhi. Il me semble qu'il dit ça, Ibn Hajar. 4 jours avant sa mort, donc il a demandé à ce qu'on lui amène quelque chose pour qu'on puisse écrire dessus. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'intention, il voulait écrire quelque chose, leur écrire quelque chose. Et il dit, je vais vous écrire quelque chose, vous ne vous égarerez point après ceci. Et donc ceci, encore une fois, c'était pendant sa maladie. Et là, bon là, il cite, il a raccourci le hadith, mais si on prend le hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, les compagnons, ils ont divergé. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il écrive ceci, et il y en a d'autres comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il n'a pas voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il écrive, non pas évidemment pour contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce qu'il voulait faire, mais parce que Omar il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est malade, sa maladie elle s'est aggravée, il s'est affaibli, il ne voulait pas surcharger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fatiguer avec cette tâche là. C'est pour ça que Omar, il n'était pas d'accord. Pas pour contredire, évidemment, l'ordre du prophète. Et si bien qu'il y a eu, commencé à avoir du brouhaha. Commencé à avoir du bruit, ils n'étaient pas d'accord, les voiles se sont levées. Et le prophète, il a dit, Ukhruj anni. Il leur a dit, sortez. J'accepte pas que vous vous disputiez à cet endroit-là. Et donc, c'est comme ça que Ibn Abbas, il a dit, comme il dit dans. Dans le hadith, inna al-raziyata kull al-raziyati. Al-raziyya en arabe, c'est le musiba. Ibn Abbas, c'est lamenté, il a dit quel musiba, c'est-à-dire quelle épreuve, quel mal nous touche. Ils se sont mis entre le prophète sallam et ce qu'il voulait écrire. Et c'est là qu'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, donc ça, c'est pas dans le Bukhari, mais c'est dans, comme on l'a vu dans Sunan al-Tirmidhi. L'imam Tirmidhi dit que c'est un hadith Hassan. Là, Ibn Mas'ud, il a dit, Nous savons du Coran ce qui nous suffit. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait recommandé quelque chose, il aurait recommandé quelque chose qu'il y a dans le Coran. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait délaissé ce qu'il voulait faire, ça montre que c'est quelque chose dont les compagnons n'avaient pas besoin et que ça faisait pas partie de quelque chose qui est supplémentaire qu'ils n'avaient pas, qui fait partie de la révélation. Sinon, le prophète sallam, il n'aurait pas pu délaisser ça. Il aurait été obligé de. Le prophète sallam, il ne cache pas la révélation. Il aurait été obligé. Et il leur a demandé de sortir et il les a pas rappelés les jours qui ont suivi. Pour leur donner, après la dispute entre les compagnons, il leur a pas demandé de revenir. Ça montre que ce qu'ils voulaient écrire, c'est quelque chose dont ils avaient déjà la connaissance, qui était dans le wahi, qu'ils avaient dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il a dit, le Coran, ce qu'il y a dans le Coran, ça nous suffit. Et d'ailleurs, c'est ce que Omar, il a dit aussi. Lorsqu'il s'est mis, il n'a pas voulu que le prophète sallam l'écrit, il a dit, nous avons le Coran, et ça nous suffit. Et ça, il se base sur le hadith qui est rapporté par Muslim. Le prophète sallam il dit, je vous laisse ceux que si vous vous y accrochez fermement, vous ne vous égarerez jamais le livre d'Allah. Donc, ils se sont accrochés à ce hadith-là, et quand il dit le livre d'Allah, ça comprend tous ces versets-là qui sont muhkem. Donc ça revient à ce qu'il a dit avant. Tout ce qui est les versets muhkem, c'est ça, en réalité, le testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses recommandations, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à s'écarter de ce qu'Allah il nous interdit. Et si on rentre dans ce sujet-là et qu'on parle de versets muhkem, on a dit aussi qu'il y a des versets qui sont mutashabih. Et la règle concernant les versets qui sont mutashabih, c'est de les ramener ou de les comprendre conformément aux versets qui sont muhkem. Et pas à l'inverse, comme le font les gens de la bid'a. Donc ça aussi, ça rentre dans obéir dans la recommandation, dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre son testament, c'est aussi ça. C'est tout ce qui est mushtabih ou mutashabih, de le comprendre conformément à l'muhkem. Et pas comme Allah Jalla wa Ala, il le dit dans le verset qu'on a cité avant dans Sourate Ali Imran, à s'attacher à l'mutashabih, à essayer d'expliquer le mutashabih conformément à notre bid'a, conformément à notre hawa, et à s'écarter des versets qui sont muhkem, comme les gens de la bid'a le font. Il dit, وروى الحاكم وصححه عن عبادة مرفوعا أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات الثلاث ثم قال من أوفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. Donc ça c'est un verset qu'il y a dans bah, c'est pas un verset, pardon, c'est un hadith rapporté par Al-Hakim. Donc le hadith Al-Hakim qui l'authentifie. Hadith de Ubad ibn Samit radiallahu an, marfou'an, c'est-à-dire c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, qui me prête serment d'allégeance sur ces trois versets-là. Et là, il a cité donc les trois versets de Sourate Al-An'am qu'on vient de lire. Et donc, quand il a fini les versets, il a dit, celui donc qui accomplit ce que contiennent ces versets-là, alors sa récompense est dans les mains d'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera. Et celui qui désobéit à quelque chose donc de ces versets-là, donc quelqu'un qui ne se conforme pas à quelque chose qui a des recommandations qu'il y a dans ces versets-là, et qu'Allah Jalla wa Ala l'atteint dans cette dunya d'un mal, pour lui c'est un châtiment. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa Ala, il le châtie par ce péché-là qu'il commet, il le châtie déjà dans le dunya. Et celui qu'il ne châtie pas dans le dunya, alors il retarde ce péché-là ou la menace de son châtiment dans l'akhirah. Et là, son affaire appartient à Allah. Si Allah y veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. Il lui pardonne. Donc le fait qu'Allah Jalla wa Ala, on tire de ça aussi, que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il châtie le serviteur dans le dunya, c'est aussi une expiation de son péché. C'est-à-dire que par cette punition qu'Allah lui inflige, ce mal qu'Allah lui inflige dans le dunya, Allah il va expier une partie de ses péchés par cette punition-là. Et c'est pour ça que les compagnons, ils préféraient être châtiés dans cette dunya plutôt que dans l'akhirah. Parce que l'azab de l'akhirah, il est plus intense. Ils préféraient être châtiés, déjà être touchés d'une punition dans cette dunya-là pour que ça expie leur péché. Ce hadith-là, wallahu alam, sur son authenticité, bon, l'imam al-Hakim, rahimahullah, il le rend authentique de Ubada. Mais il y a des ulama comme Ibn Rajab qui ont cité ce hadith-là, il a cité ce hadith-là, Allahu alam, dans son livre Al-Ilal. Ce qui est connu, ce qui est mashhour concernant le hadith de Ubada, et concernant cette bay'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de prêter, ça concerne les versets de sourate, ce qui est dans Sahih Bukhari. Donc dans Sahih Bukhari, on a le même hadith, donc hadith de Ubada, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande aux compagnons de lui prêter serment d'allégeance sur aussi des versets. Mais ce n'est pas les versets de sourate Al-An'am. C'est le verset de sourate. De sourate Al-Mumtahina. Al-Mumtahina, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin de la sourate, Yehiwan Nabi, Iza'ja'aka al-mu'minatu yubayya'anaka al-alla yushrikna billahi shay'an, wa la yasriqna, wa la yaznina, wa la yaqtulna awladahunna, wa la ya'tina buhtani bi buhtanin, yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna, wa la ya'sinaka fi ma'rufin, فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ça, c'est le verset de Sourate Al-Mumtahina et ce qui vient dans Sahih Al-Bukhari, donc le hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, c'est sur ces versets-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à ce qu'on lui prête serment d'allégeance et pas sur les versets de Sourate Al-An'am. Ça, c'est une version rapportée par le Hakim. Il y a certains ulémas qui disent que le hadith il contredit ce qui est rapporté par des gens qui sont plus forts dans le hadith que certains rapporteurs de ce hadith-là. La kulli hal, Allahu alam al-mashhur, c'est le hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, hadith de Ubad ibn Samit, où le prophète sallam, il a demandé aux compagnons de lui prêter serment d'allégeance sur les versets de Surat al-Mumtahina, la fin de Mumtahina, pas sur les versets de Sourate Al-An'am, le verset qu'on a lu là. Wallahu alam. Ala kulli hal, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a comparé ces versets-là, donc de Sourate Al-An'am, à un testament. Encore une fois, c'est pas un vrai testament que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé, il a écrit, il a scellé, mais c'est une image. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il avait laissé quelque chose concrètement, il n'aurait laissé que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son livre. Puisque le prophète sallam, comme il a dit dans le hadith que rapporté dans Sahih Muslim, il nous laisse si on s'y accroche, alors on ne s'égarera pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il avait recommandé, s'il avait laissé un testament, ça aurait été quoi? Les ordonnances et les prescriptions qu'on trouve dans le Coran. Ni plus ni moins. Et c'est pour ça qu'Omar, il a fait cette remarque-là. Il a dit le livre d'Allah nous suffit. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, c'est ce qu'il a répondu à Ibn Abbas lorsque Ibn Abbas il a dit Inna ar-raziya takul ar-raziya. Donc il a dit quelle musiba, quelle nous a touché. Ils se sont mis entre le messager d'Allah et entre ce qu'il voulait écrire. Et Abdullah ibn Mas'ud, c'est ce qu'il a répondu le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous suffit. Euh, Concernant le lien entre ce hadith-là, encore une fois, et le tarjama, c'est-à-dire le titre du chapitre, c'est que le shir, encore une fois, il a voulu montrer quoi? Il a voulu montrer que ce qu'on peut comparer au testament du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a laissé, c'est quoi? C'est ce que contient le livre d'Allah comme verset muhkam. Comme verset muhkam et les premières choses ou le premier ordre qu'on trouve dans les versets muhkam, comme on l'a vu dans le chapitre, c'est quoi? Le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier interdit, c'est quoi? L'interdit du shirk, le délaissement du shirk. C'est ça la première chose qu'Allah nous a enjoint dans ces versets-là. Et, naam. Donc, naam, Inch'Allah, on va arrêter là pour aujourd'hui. Wallahu alam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتأمين غا إن شاء الله la prochaine fois avec le hadith de Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه pour clôturer ce premier chapitre إن شاء الله تعالى.